pillage, la guerre dégonfle dans le sud morbihan. Pour quelques bivalves, elle ira dans le sang. Dina et Palourde, de te foutre de des sous d'un Amazon. F pour le load. Dina et Palourde, de te foutre de des sous d'un Amazon. F pour le load.